La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. 14h04, c'est un honneur pour moi de lancer la dernière tête au carré. Bonjour Mathieu Vidard et surtout bravo. Merci Alexis Lemeyer. Et servez-vous une petite coupe de champagne si vous le souhaitez. Jamais pendant le service. Parce qu'on est un peu triste, mais ça se fait aussi. Voilà, et vous entendez les bouchons. On entend les bouchons. Ils viennent d'estropier Marie-Odile Monchicourt. À tout à l'heure. Comment vous dire ce que je ressens aujourd'hui en ce vendredi 28 juin 2019 dans 56 minutes, 55 très exactement, tel le compte à rebours de la salle Jupiter au centre spatial de Kourou, et bien notre fusée tête au carré va se désintégrer après avoir voyagé pendant 13 ans dans l'immensité du cosmos scientifique. 13 ans d'une aventure quotidienne avec vous, auditrices et auditeurs, en compagnie des scientifiques, des chercheuses et des chercheurs qui nous ont permis donc d'explorer toute la richesse du monde qui nous entoure. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, les scientifiques nous ont embarqués avec eux dans des expédition d'une incroyable diversité en faisant l'effort de nous éclairer. Merci à eux parce que parfois c'était franchement coton. Quelle chance en tout cas nous avons eu de pouvoir tous les jours à ce micro écouter, comprendre, avancer sur les sentiers de la connaissance. Et c'est probablement ça d'ailleurs qui nous a tous réunis, cette jubilation d'apprendre et de sentir nos neurones s'agiter avec frénésie. Alors je sais que nombreux d'entre vous sont tristes d'apprendre la fin de la tête au carré, comme en témoignent vos très nombreux messages qui nous ont particulièrement touchés. Je sais à quel point vos oreilles d'auditeurs n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes, mais faites confiance à la plasticité de votre cerveau pour que rapidement le changement vous apparaisse supportable. Et pour toutes celles et ceux qui s'inquiètent de voir disparaître la science au quotidien sur l'antenne, bien sachez qu'elle sera toujours présente dans les autres rendez-vous qui existent déjà, mais aussi dans ceux nouveaux qui vont arriver très bientôt. Nous avons souvent parlé à ce micro des dinosaures ou d'espèces encore plus anciennes. Il était important pour notre santé mentale de ne pas prendre le risque de nous fossiliser à notre tour et de garder toute notre souplesse. C'est la raison pour laquelle la tête au carré s'arrête pour donner naissance donc dès la rentrée à la Terre au carré, émission qui sera entièrement consacrée à la planète et à l'environnement et dans laquelle, faites-moi confiance, la science aura largement sa place. En attendant pour cette dernière, toutes celles et ceux qui ont fabriqué l'émission et qui en ont été les voix sont réunis dans ce studio pour fêter ces 13 années de grand bonheur quotidien rendu possible grâce à vous. La tête au carré clap de fin, c'est parti. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Voilà pour cette dernière, ils sont venus, ils sont tous là, les visages et les voix de la tête au carré depuis Michel Bedos, notre réalisatrice historique de l'émission, jusqu'aux derniers arrivés dans l'équipe, et puis vos messages, vos témoignages très nombreux sur le site de l'émission depuis plusieurs jours, que vous continuez d'ailleurs à nous envoyer. Bonjour les amis, vous allez bonjour. Bien ? Bonjour Mathieu. Voilà, ça fait du bien de vous entendre, il y a une espèce de truc terrifiant dans ce studio. Voilà, le champagne est servi et on va faire un tour de table. Pendant 7 heures, on a choisi des sujets qui nous ont un peu marqués. Bon, c'est le prétexte. C'est non-stop jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que mort s'en suive. Marie-Odile Monchicourt, moi j'ai envie de commencer avec vous, parce que vous avez été pour moi d'un grand secours au tout début de l'émission en 2006, où nous avions beaucoup de craintes hein, quant à notre capacité justement de recevoir des scientifiques. Et vous m'avez rassuré. Oh. Hein, vous, la reine mère de l'émission, oh, on pourrait dire des choses comme ça. D'ailleurs, je mets mes lunettes parce que... Mais c'est vrai, vous avez eu les mots pour... parce que personne n'était scientifique quand même dans cette drôle d'équipe, à la base. Mais moi non plus, vous savez, au et départ. Ben voilà. Donc et c'est ce que vous m'avez raconté. Bah oui. Et oui, et ça me fait un énorme plaisir ce que vous me dites. Parce que c'est vrai que j'ai bien donné dans les sciences. Quand même. J'ai bien donné, j'ai roulé ma c'est ça, oui. Et donc, qu'un confrère tel que vous s'en souvienne, ça me touche au plus profond. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été très précieux et ça nous a permis vraiment de nous embarquer dans cette aventure. Ça nous a mis un cadre rassurant en tous les cas, parce qu'évidemment, comme on n'avait pas du tout la capacité, a priori, de pouvoir faire face à tous ces grands savants, c'était compliqué. Et donc, ben voilà, on s'est mis du côté des auditeurs et puis on s'est dit, voilà, on va poser les questions qui nous paraissent intéressantes. C'est et puis, ça. Voilà, c'était tout simple en fait. Tout simple. Voilà. C'est tout simple. Il faut juste trouver les bons scientifiques. On n'essaye pas d'en savoir plus que les scientifiques, vous savez. Ouais. Donc, si vous posez simplement, vous me parlez de cellules, mais c'est quoi une cellule? Vous vous rendez compte que vous avez posé une question épouvantablement difficile, au fond, alors que la question est simple. Ouais. Et toutes les questions simples ont des réponses pas toujours évidentes. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec les scientifiques. Ouais. C'est passionnant, ça. Alors, vous avez placé à votre droite votre autre fils spirituel, Daniel Fiévé, qui a souvent été aussi... au micro de, lui, de la tête au cœur. Lui, c'est mon petit-fils. J'ai fait mon premier stage à France Info avec Marie-Odile Monchicourt. Je dois tout. C'est vrai, absolument. Est-ce qu'on pourrait entendre Michel Bedos? Parce que j'aimerais bien entendre la voix de Michel, qui a été la toute première en 2006. J'ai plus rien à dire, depuis le temps. Voilà, mais tu vois, j'avais déjà envie d'entendre ça, donc c'est suffisant. Non, c'était vraiment formidable. Et moi, j'avais en tête l'anecdote de Marie-Odile, parce qu'elle me l'avait racontée auparavant, et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais j'avoue que j'ai eu vraiment les chocottes quand même. Tu te souviens quand on a eu les jetons, on n'emmenait pas large. Bon, il y avait la niaque, il y avait la volonté, il y avait le boulot quand même, parce que ça se fait pas comme ça, simplement. Ouais. Mais c'était formidable, et c'était une aventure un petit peu plus courte pour moi, mais inoubliable. Ça a été la première année. Après, il y a eu Violaine Ballet, je crois qu'elle est également dans le studio. Oui, elle est là, Violaine. Voilà, parce que parce que tous ces noms que vous entendez tous les jours à l'antenne, eh bien, ils sont réunis aujourd'hui. Et Violaine, t'as fait longtemps aussi, hein? Bah, je crois 8 ans. 8 ans de tête au carré, voilà. Ouais. Donc on a beaucoup bourlingué ensemble aussi avec l'émission. Oui, pas mal de temps, c'était pas mal. Moi, je comprenais rien. Mais t'inquiète pas, nous non plus. C'est même pas vrai. On parle de science et tout le monde dit « Mais je comprends rien dans les sciences, c'est même pas vrai. » Oui. Ben, il faut avoir les bonnes personnes pour les raconter, en fait. C'est toujours ça, l'idée. Hein. C'est incroyable, cette image qu'on a de la science, quoi. Ouais. Et puis, il y a eu Fanny Boyon. Est-ce que je vais réussir à faire parler Fanny au micro? Alors, ça, ce serait une belle performance. Fanny, un petit mot, s'il te plaît. Un petit jingle, quelque chose. Voilà. Fanny qui est en train de nous concocter une série sur Michel Legrand pour l'été. Merci. Voilà. Annoncer, c'est demain. Voilà. C'est demain à 10h la première? Oui. Bon, demain matin avec Leïla Kedvour. Et c'était un plaisir de travailler avec toi, Mathieu, mais je pense que tout le monde. Ouais, on est très heureux en tout cas d'être ensemble. Ouais. Alors, Marie-Odile, on va faire un tour de table parce qu'on vous a tous demandé de choisir des sujets. Oui. Pour essayer de dire qu'est-ce qui vous a marqué pendant toutes ces années de tête au carré. Et il y a eu, alors je suis assez d'accord d'ailleurs avec votre choix. Oui. Planck. C'est-à-dire que c'est pas que Planck. Planck, c'est donc cette image du fond diffus de l'univers, autrement dit l'image de la naissance de l'univers, pour faire vite, et qui a dans le résultat même. Je m'excuse, mais il y a des verres de champagne. Il y a des verres de champagne qui circulent sous mon nez. Donc oui, au même moment où cette image a été produite en 2013, au même moment la découverte du boson de Higgs était confirmée. Donc il y a eu une simultanéité là qui était extraordinaire déjà, parce que c'était l'univers de l'infiniment grand qui, pour la première fois expérimentalement, rencontrait l'univers de l'infiniment petit, alors que c'était deux domaines qui se rentraient dedans, qui pouvaient pas supporter. Oui, ils se servent de la physique des particules pour leur cosmologie, et puis mais ce qui m'intéressait, ce qui m'a beaucoup bouleversé aussi, c'est que en 1964, on découvre le rayonnement fossile, donc qui a donné lieu 40 ans plus tard à cette image du fond diffus. Mmh. Et la même année, toute la petite bande des physiciens qui ont prévu l'existence du boson de Higgs, sans se connaître, simultanément, ont prévu l'existence du boson de Higgs. Or, en 2013, on a l'image du fond diffus et on a la confirmation. Je trouve cette simultanéité tellement intéressante. Alors, au sujet de la carte de l'univers, on va entendre une voix, justement celle de la physicienne, de l'astrophysicienne Cécile Renaud, qui était notre invitée en mars 2013, au moment où était publiée donc cette image incroyable, avec la date précise, l'âge précis de l'univers. Alors, cette image, il faut vraiment la voir, c'est une coquille mise à plat. C'est vraiment la Terre, vous pouvez en faire un planisphère, et vous avez souvent vu des cartes de la Terre un peu sous forme de planisphère, le but étant que les pôles soient justement un peu ponctuels, soient pas tout étalés par rapport à une carte rectangulaire. Là, c'est exactement pareil, sauf que on n'est pas à l'extérieur, on est dans l'univers, et on regarde autour de nous. Et donc, ça forme une coquille. C'est la lumière qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années, qui forme une coquille. Et cette coquille, c'est une sphère complète autour de nous, autour de Planck. Mmh. Et on la déplie pour former cette fameuse carte ovale. Et ça définit donc la limite de notre univers observable. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'univers dans son intégralité, qui a priori est infini, mais simplement, nous, on ne peut pas avoir d'informations plus ancienne, donc plus lointaine, hein, puisque la lumière, l'information, c'est la lumière, elle voyage à la vitesse de la lumière, et donc cette lumière, elle a déjà mis à peu près tout l'âge de l'univers, et comme Alain l'a expliqué, avant, il n'y avait pas de lumière, c'est du brouillard, il n'y a rien qui s'est échappé, donc c'est la plus ancienne lumière à laquelle on a accès, et c'est notre vraiment horizon au sens propre du terme. Voilà, Marie-Odile. Bravo, Sophie Bécherel. Très douée pour ouvrir les bouteilles de champagne. Ça vous a plu, cette image du fond diffus? Ben aussi, oui, bien sûr. Avec cet âge aussi, 13,8 milliards d'années et tout ce qu'on a appris sur l'énergie noire, la matière noire. Ouais. Et ça a été effectivement un des moments marquants. Axel Villard. Ah, je finis mon verre Axel, de c'est à toi. Alors, oui, raconte-nous Mathieu. Comment t'es arrivé dans l'émission d'abord. J'étais tout bébé. Ben, je finissais ma formation de journalisme scientifique. C'est vrai. On s'était vu parce que je m'intéressais beaucoup à l'émission, c'est normal. C'était déjà à l'époque. Ouais. Hein, tu faisais un modèle pour moi. Mes parents vous écoutaient. Oui, j'arrêtais pas de dire c'est ça. Je vous écoutais quand j'étais petit. C'est ça. Et ça a été la blague pendant les 7 années qu'on a fait ensemble, voilà. Mathieu. Et encore donc, maintenant. Je suis venu faire un stage. On s'est parlé. Je suis revenu plusieurs fois où on a commencé à se plaire, et puis à la fin de ma formation, ben c'est toi qui es venu me chercher. Tu m'as dit, viens, je fais un nouveau rendez-vous, on veut de l'actualité, on veut des chroniqueurs, on veut de la science. Et finalement, je suis pas parti. Voilà. Et ça s'appelle la Une de la Science, hein, ce qui ouvrait tous les jours l'émission. Et alors, on a vécu aussi des moments assez étonnants. Et alors, tu as choisi. Oui. Je pense que ça a été l'acmé un petit peu de cette Une de la Science. C'était n'importe quoi. C'est le jour. Alors, si on fait un résumé teasing, c'est le jour où on a sauvé un fossile de 7 millions d'années qui aurait pu tomber par terre et se casser dans le studio. Ouais. Voilà. C'est un bon teasing. C'était le fémur de Toumaï. Alors. Pour replacer dans le contexte, à l'époque, Michel Brunet, qui est un grand paléontologue français, était au cœur d'une polémique accusée par un collègue à lui qui s'appelle Roberto Machiarelli. Il disait, au moment où vous avez publié en 2001 Toumaï, son crâne et ses dents, vous avez fait exprès de ne pas mettre le fossile de ce fémur qu'on sait existant, parce que peut-être il mettait en cause la bipédie et donc le fait que ce fossile était le premier de la lignée humaine. Et là, c'est le seul moment où j'ai vu un scientifique dans un état pareil. C'est-à-dire que des scientifiques, j'en ai eu un à l'antenne, au téléphone, en préparation, tous les jours. Et là, Michel Brunet, qui refusait de parler à toute la presse, il a dit non au monde. Vous l'avez appelé, c'est toi Mathieu d'ailleurs qui l'a appelé. Tu lui as dit, est-ce que tu veux parler dans la tête au carré? Et là, Michel Brunet, il a réfléchi. Il a dit oui, je viens. Et on a fait une de la science qui a duré presque l'émission entière, parce que ça a duré 27 minutes. Ah oui, 27 minutes. Ouais, 27 minutes. Et il est arrivé, et là, surprise. Avec sa valise. Il avait une valise. Il ouvre la valise, donc il y a des moulages de fossiles, de crânes. Il voulait démontrer des choses. Et il nous sort un fossile noir. Et là, on se dit, on se regarde avec Mathieu, on se dit, celui-là, c'est pas un moulage. Et là, on lui demande, c'est le vrai? Et là, il fait oui. Et là, c'est silence. Oui. Aucun fossile ne voyage comme ça. Normalement, c'est la Brinks. Normalement, c'est des convoyeurs de fond. Et là, parce qu'il s'était attaqué, parce qu'il fallait qu'il défende tout son travail, le travail de toute une vie, il est venu avec le fossile dans le studio. C'était aussi son cadeau à la tête au carré. C'est-à-dire que il avait confiance en nous. Il a dit, je vais à France Inter avec ce fossile. Il a prévenu personne. Il l'a pris dans le labo. Il est venu. Quand après, on a discuté avec les gens du labo, ils ont dit, mais on n'était pas au courant du tout. Oui, voilà. Oui. Je crois qu'on a un petit son. Voilà. On écoute Michel Brunet, justement, avec son fossile de Toumaï. Michel Brunet, pourquoi vous aviez envie de venir parler aujourd'hui au micro de la tête au carré? Écoutez, pour montrer tout ça, plutôt qu'une polémique mondiale, je dirais plus volontiers une tempête dans un verre d'eau. Alors on a des questions. Alors vous avez dit que vous vouliez parler de science, alors on va parler un peu de science et de ce fémur. On voit la photo partout dans la presse, votre opposant l'a tenu quelques minutes dans ses mains. Est-ce que c'est bien le fémur de Toumaï? Est-ce que vous voulez bien le dire aujourd'hui? Alors juste pour préciser, Michel Brunet a apporté le fémur original, daté de 7 millions d'années, le fémur de la discorde on pourrait dire. Et voilà, il est là avec vous dans votre main droite. Vous confirmez que c'est le fémur de Toumaï? Non, je confirme que c'est un fémur qui a été trouvé dans le même site que le site qui a livré le crâne de Toumaï. Voilà. Vous avez entendu à la fin le petit bruit là? Oui. Le petit pom-pom-pom? Ça, c'est Michel Brunet qui bouge son gros classeur et le fémur qui fait déjà une première chute sur le bord de la table c'est et ça. Que je rattrape c'est ça. Pour pas qu'il tombe plus bas dans le studio. Ça, c'est vraiment ça. Un moment qui dit beaucoup de choses. Absolument. Et je me souviens qu'on l'a raccompagné au taxi parce qu'il était avec sa valise et son fémur et on avait peur qu'il se fasse piquer son os. On était flippés, Sophie. On avait vraiment très peur. Et Sophie, vous souvenez de ce truc quand même, qui était... On n'en croyait pas de ça. C'était hallucinant. Oh, complètement c'était dingue. Très, très Après, bizarre. Je me souviens avoir passé des coups de fil dans l'après-midi pour demander à des collègues paléontologues de Michel Brunet mais est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est légal? S'il l'avait perdu, s'il l'avait cassé, comment ça se passe? Bon, en attendant, il nous a fait un beau cadeau. Il nous a pas laissé le fémur. C'était un cadeau au final. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Puis la façon dont il nous l'a annoncé, c'est je vous ai amené ça pour vous. Tout petit, tout bas, il nous l'a dit comme ça. Voilà. Alors, il y a plein de mails, évidemment. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages et ça nous touche beaucoup. Il y a Bruno qui nous dit j'ai cru que votre émission s'arrêtait. J'étais triste, mais en fait, elle évolue. Darwin, voire elle se transforme. Lavoisier. Je vous souhaite donc une bonne nouvelle existence et beaucoup de sujets qui vont nous ouvrir l'esprit. Oh, bon, ça me fait très, très plaisir. Et puis alors, il y a les auditeurs pas contents du tout. Il y a Patrice, par exemple, qui nous dit « Alors comme ça, on arrête une émission scientifique généraliste pour la remplacer par une émission exclusivement écolo. C'est un scandale épistémologique. La science ne se résume pas au nombril des écolos. C'est aussi une erreur hautement contre-productive, car si je peux rigoler même jaune avec Denis Chessoux, je n'ai aucune intention de subir les oukaises des écolos bon chic, bon genre. Fuck l'écologie, nous dit Patrice. » C'est ça. Fuck Patrice. Non, fuck l'écologie, Marie. Ne nous mettez pas à dos déjà les auditeurs. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loup-bar? J'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant, me venaient quelques réponses bien senties. Que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loup-bar, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie. Voyou, c'était les trois loupards. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà la der des der aujourd'hui, dernière tête au carré après 13 ans d'émission et tous les amis, les copains, les voix de l'émission sont autour du micro aujourd'hui. Philippe Hénarejos est avec nous également, vous l'avez beaucoup entendu Philippe, oui. T'as été un des tout premiers je pense dans l'émission. Ben, j'avais pas l'impression mais en fait ouais. Quand on compte... qu'on appelle aussi le Bacri de l'émission. Oui, faut que je le dise. Pourquoi il râle tout le temps? Mais ça m'énerve. Vous m'invitez tout le temps pour critiquer les annonces douteuses, par exemple de la NASA ou de SpaceX. J'aime bien taper sur SpaceX parce que. C'est ça. Et d'ailleurs, vous voyez que l'histoire, puisque ça a duré longtemps, m'a quand même pas donné tort, puisque tout ce qui avait été annoncé sur vol de la Lune en 2018, on attend toujours. C'est vrai. En général, on faisait toujours des émissions avec Philippe en rentrant de vacances, parce que c'est le moment le plus dur pour reprendre. Je faisais soit la dernière de la saison, soit la première en rentrant. Voilà, on était sûr de se reposer. Gars qui n'arrivaient pas se lever le matin. En tout cas, nous, c'était sûr qu'on allait faire une émission smoothie. Philippe, il y a des messages d'auditeurs, justement, vous nous lisez quelques... Oui, vous m'avez fait passer des messages. Alors, j'ai pris le premier, celui qui était en haut de la pile, et si je vous le lis rapidement. C'est un message qui est écrit par deux personnes qui disent « Si France Inter est à notre écoute, comme indiqué plus haut, pourquoi ne nous a-t-on pas demandé, nous auditeurs, ce que nous pensions de l'émission et si nous souhaitions ou non qu'elle continue avant de la supprimer ?» Alors, quand même, ils sont en colère parce qu'ils disent « Que de découvertes, que de rêves, que d'ouverture d'esprit avons-nous eu grâce à Mathieu Vidard et son équipe et ses invités, sachant nous intéresser, même sur les sujets ardus, l'impression qu'on ne nous traitait pas de haut, heureux d'avoir accès à la science avec des mots à notre portée. » Alors, ces deux auditeurs finissent en disant, en gros, parler de la planète et de l'écologie, c'est bien, mais nul besoin de nous enlever la science, le reste de la science. Mais je partage totalement ce qu'ils disent. Non, mais dites donc, Philippe, ça va, non mais on avait prévu le Bacri de l'émission. Ça m'énerve. Bon, en tout cas, on reste sur les auditeurs. Il y aura encore de la science à la rentrée et dans de nouveaux rendez-vous. On vérifiera. Oui, mais c'est vrai. On peut vous le dire. Caroline, il y a d'autres messages? Oui. Il y a un message de Valentine Meyer. Alors, c'est un problème d'alignement de planète. En fait, il y a 13 ans, elle explique qu'elle était à la fac. Elle rêvait de devenir paléoanthropologue. Vous parliez, Mathieu, régulièrement de ce sujet. Elle écoutait, elle était sûre que c'était ça qu'elle voulait faire. Et aujourd'hui, eh bien, ça y est, elle est paléoanthropologue. Ah, ça, c'est génial. Elle donne aussi des cours en tant que professeure de SVT dans un petit collège. Et alors, elle n'a plus qu'un seul regret. C'est qu'elle se dit, moi, j'entame une nouvelle carrière. Mais oui, au moment où paléoanthropologue, voilà. Et maintenant, je sais que je ne serai jamais invitée dans votre émission. Ah, c'est plein de regrets. Mais elle termine en disant « Je vous embrasse parce qu'après 13 ans de vie commune, je peux, non ?» Eh bien écoutez, vous savez quoi? Je suis sûr que dans la Terre au Carré, on trouvera l'occasion d'inviter Valentine, c'est voilà, ça, c'est son Valentine prénom. Voilà, on embrasse Valentine et on se donne rendez-vous. Je le fais en direct, donc je m'engage. Mais on trouvera un espace pour l'inviter. Il y a de la paléoanthropologie dans l'histoire de la Terre. Bien sûr, et puis c'est de l'environnement. Alors moi je suis embêtée parce que j'ai le même message. Ben voilà, vous n'allez pas nous le redonner, Marie-Odile, quand même. Vous n'allez pas nous le redonner. Non, surtout que c'est une tartine. Hein. Mais qu'est-ce que vous êtes désagréable. Arrête le champagne. Mais Daniel fait quelque chose, surveille-la, elle est insupportable. Bon, moi j'aimerais saluer également tous ceux qui, comme Axel d'ailleurs, sont arrivés au départ stagiaires. Ce sont tous les jeunes visages qui ont été aussi dans l'émission. Il y a Hugo Combe que je vois ici, il y a Anna Massardier, Thomas Lehété, Agnès Fèvre. Non, tu n'étais pas stagiaire toi quand tu es arrivé. Mais j'aimerais bien qu'on entende juste votre voix, il doit y avoir un micro. Et il y a quelqu'un derrière Sébastien Boller que je ne vois pas, je ne sais pas qui c'est, mais c'est Anne-Cécile Perrin, voilà. Hugo, ça va ? Eh ben oui, ça va, Mathieu, je suis hyper touché d'être ici parce que... Qu'est-ce qui s'est passé depuis les débuts de la Tête au Carré ? Toi, t'étais là vraiment au tout début, je crois. Je suis arrivé en 2011, donc c'était déjà avancé depuis quelques temps. Et c'est grâce à Daniel que je remercie aussi, j'avais fait mon tout premier stage sur la toute première émission d'été de Daniel Fievet. Ensuite, tu m'as pris en stage, et puis une fois qu'on met un pied à France Inter, toi et toute ton équipe, Violaine Ballet, que je remercie, Anne-Cécile Perrin, m'avaient mis le pied à l'étrier, et puis on est parti pour une belle aventure. J'ai appris à faire plein de trucs de radio ici. J'ai eu plein d'envie et puis je continue. Je suis encore à France Inter. C'est pas terminé. Il va se passer des trucs à la rentrée. Un petit peu, mais j'ai pas encore le droit d'en parler. Non, mais ça va être gratiné en tout cas. Et ça va être très bien. Agnès, un petit mot également pour t'entendre parce que tu as été aussi souvent la voix de la une. T'as fait du reportage. T'as fait la une de la science. Oui. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dans l'émission? Il y a eu aussi, les grands reportages à un moment, les feuilletons aussi au tout début. Ah oui, c'est l'époque où il y avait des budgets un petit peu. Oui, il y avait des budgets. On pouvait envoyer les reporters à l'étranger. Ouais, voilà, exactement. Vous nous accordiez de la place en tant que reporter pour aller voir comment se portait la science dans des un peu plus lointaine. C'est des super souvenirs. Ouais. Ouais. Je suis très émue aussi, comme Hugo. Bon, eh bien, Anna aussi est là, Anna Massardier. Et oui. Sciences Po. Oui, Sud. Sciences Po Aix. Sciences Po Aix. Un master journalisme et j'avais fait aussi d'autres études avant. Et c'était mon premier pied à France Inter grâce à toi. Et le jour où tu m'as appelé, tu m'as dit bienvenue à France Inter. C'était un grand moment. C'était je réalisais mon rêve grâce à toi. Deux mois de stage. Et tu continues en fait dans d'autres émissions. Sur cet été. Donc c'est grâce à toi, à ton équipe. Vous m'avez formé. Vous avez été hyper chaleureux, hyper accueillant. Et le grand échalas à ta droite, Thomas Lehété. Ouais. Moi c'est un peu la même histoire que Anna en fait. Je suis venu. En stage, je me souviens pareil du jour où tu m'as appelé, où j'ai entendu ta voix au téléphone. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je connais cette voix, mais j'arrive pas vraiment à remettre qui c'est. Je vous écoutais quand j'étais petit, c'est ça. Donc voilà, c'était des bons moments et puis plein d'apprentissages sur plein de sujets différents. Ouais. Sophie Bécherel, alors là, Sophie, c'est pareil. Hein. On a des heures de vol. Hein. Merci Mathieu. On a souvent bossé ensemble. Je reste ta maman. c'est vrai, je t'entendais toute petite. Je te remercie. De quoi tu avais envie de parler? Mais oui, Sophie, parce que moi, vous m'avez demandé de réfléchir à un événement, une découverte pendant les 13 ans. C'est un prétexte pour boire du champagne, c'est tout. Oui, oui, j'avais commencé d'ailleurs avant de rentrer dans ce studio. Non, mais ça n'a pas été possible sur le web, il n'y a pas assez d'archives. Je me suis dit, Lina, ben oui, ça y est, Mathieu est entré à l'INA, aux archives. Ça, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. La tête au carré s'arrête. En tout cas, n'ayant pas trouvé un événement ou une découverte, je me suis dit, en fait, moi, ce qui m'a marqué pour ces 13 ans, c'est le fait que de nouveaux thèmes, soit ont pris plus d'importance, soit ont émergé. Et que si on se place aujourd'hui et on compare il y a 13 ans, on se rend compte qu'on ne parlait pas d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de voitures autonomes, de robotique, la blockchain, on ne savait même pas que ça existait. On parlait très peu d'édition du génome, on parlait vraiment rarement de réchauffement climatique, on parlait beaucoup moins de neurosciences, on parlait pas de l'impact de la prévention sur notre santé, le microbiote, le bien-être animal. Bref, tous ces thèmes-là ont vraiment émergé et tous ces champs de recherche, en fait, sont associés à la question de notre responsabilité citoyenne, le lien science et société. Et voilà, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a dit, les citoyens sont vraiment avides de connaissances dans un monde qui se complexifie. Ils ont besoin de scientifiques ou de philosophes pour nous guider, en fait, sur les usages que nous ferons de ces nouvelles connaissances, sur des questions d'éthique, de respect de la vie privée. Et ce lien très très fort, vous avez été celui qui permettait de l'éclairer, en invitant des scientifiques pour nous aider à réfléchir. Et voilà, ces 13 années, ça a aussi été l'âge d'or de l'édition scientifique. Il y a énormément de livres scientifiques à destination du grand public qui sont sortis. Et puis, on a assisté à la naissance et la croissance des blogueurs scientifiques qui sont aujourd'hui vraiment très très nombreux et qui font un travail remarquable de passeurs, de vulgarisateurs de science. Voilà. Donc c'est vrai que la tête au carré s'arrête, mais France Inter a toujours été disruptif. Ce qui marche, on l'arrête. C'est un concept, mais une autre taque, une autre s'annonce. Voilà. Puis cet appétit et ce désir de connaissance durer chez nous, chez nos auditeurs. Puissions-nous faire les bons choix et ou les moins mauvais sur ces questions de technologie, de connaissances scientifiques. Rester libre aussi, être raisonnable et humble vis-à-vis de la nature. Et puissions-nous continuer à soutenir ces scientifiques et cette envie et cette capacité à partager dont nous avons tous bénéficié. Il faut préserver ça absolument et effectivement être très attentif au statut des chercheurs et pouvoir intervenir évidemment. Sans eux, nous ne serions pas là. À tout moment et encore une fois, ils auront beaucoup beaucoup de place dans la Terre au carré à partir de la rentrée. Je crois qu'on a besoin en particulier d'eux pour pouvoir un petit peu y voir plus clair sur des sujets hautement inflammables comme ceux de l'environnement et de la biodiversité. Annick nous écrit, heureusement que l'on vous retrouvera Mathieu car je vous aime. Je suis une cougar, j'ai 62 ans, bon d'accord. Moi j'aime aussi Denis Chessou et de ce fait vous aurez le même sujet, cette Terre que nous bousillons. Nous est-il permis d'espérer? Bonnes vacances. Moi, j'ai mon jardin, heureusement, dans les Yvelines, un vélo et les transports et écolo. Mais les visites dans de jolis coins de France me manquent, dit-elle. Merci à toute l'équipe pour ces moments d'intelligence, dit Bernard, de sensibilité et de partage. Votre émission nous a élevés, nous fait rêver. Elle devrait même être inscrite par la Sécu pour sa hauteur de vue. Bon, c'est pas mal, ça, c'est sympa. Oh, j'adore ça. Alors, à qui le tour maintenant, Philippe Henarejos? Ah, pour l'événement. Oui, de quoi vouliez nous parler? Ah, il y en avait plein, mais alors j'en ai choisi un, assez proche de nous, finalement. C'est le survol de Pluton par la sonde New Horizon. Ah oui. En 2015, c'était presque jour pour jour, il y a 4 ans, c'est ça. Parce que depuis tout petit, alors j'écoutais pas la tête au carré, tout petit, mais depuis tout petit, je regardais dans les livres d'astronomie Pluton, et c'était un petit point parmi plein d'étoiles sur les clichés. On ne savait rien de cette planète qui, entre-temps, en 2006, a été déclassée, n'a plus été une planète par les astronomes qui ont jugé qu'elle était trop petite, pas assez grosse, etc. Et un jour, on a vu la photo de ce monde complètement fou. On pensait que c'était quelque chose de glacé. On n'avait que des vues d'artistes où on essayait de faire un glaçon, en gros, avec un soleil lointain. On s'est aperçu qu'il y a des montagnes, qu'il y a des plaines, qu'il y a des vallées. Malheureusement, la sonde a filé. Voilà, elle a vu un autre astéroïde un peu plus loin en janvier dernier. Donc, on ne reverra pas plus tard de sitôt, mais c'était pour moi la frontière du système solaire. Enfin, après toutes ces années, on voyait un monde, un nouveau monde, et je crois que c'est le dernier nouveau monde du système solaire, parce qu'avant qu'on voit une planète comme ça, éventuellement plus lointaine et aussi grosse, il va se passer des décennies. Peut-être que la tête au carré aura subi une résurrection entre-temps, à savoir. Ça va loin. Oui, je suis optimiste. Mais non, mais d'autres vont arriver, et c'est ça qui est important. Il faut du changement et de la diversité. On va écouter la voix d'un scientifique, alors qui pour moi aussi a été vraiment un homme que j'ai passionnément aimé pendant ces 13 années, et qui nous manque beaucoup, c'est André Braik. Oh là là. Je crois que tout le monde est d'accord. André Braik, c'était vraiment quelqu'un, astrophysicien, avec non seulement un très très grand chercheur, mais en plus une personnalité, tellement une énergie. Voilà, lui se disait, il avait travaillé sur les missions Voyager, qui avait découvert les anneaux de Neptune, Uranus et Neptune, et il disait, j'avais l'impression par procuration avec cette machine, d'être à la proue d'un navire qui découvrait de nouvelles îles dans l'univers. C'était exactement ça, c'était un très grand vulgarisateur de la science, un grand défenseur de la cause scientifique. Voilà. Et il avait tout compris, parce qu'il nous racontait la science en nous faisant rire. Et c'est le meilleur il moyen. Il était incroyable. On l'a tous interviewé ici, évidemment. Alors, on va l'entendre parce qu'on souhaitait vraiment qu'il y ait sa voix dans cette émission. Oh, merci, André Braik en 2016. Alors, une planète, c'est quoi au fond? Alors, une planète, alors justement, on qu'est-ce a été. Qui la caractérise? Alors, planète, nous savons tous que le mot planète veut dire vagabond. C'est que dans le ciel, les Grecs qui voyaient des mouvements réguliers des étoiles, les mouvements circulaires, était vraiment parfait, dû aux dieux, etc. et tout, alors que les mouvements sur Terre étaient irréguliers. C'était les choses, c'était pas comme les dieux, en quelque sorte. Et puis, il y avait des vagabonds dans le ciel. Alors, les vagabonds, il y a 5 planètes qu'on voit à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Terre et Saturne. Donc c'est les vagabonds du ciel. Entre parenthèses, le mouvement de ces vagabonds, ça nous a occupé pendant 2000 ans avec quelques victimes sur le trajet. Giordano Bruno est brûlé en place publique le 17 février 1600 pour avoir dit que, comment dirais-je, il y a de la vie sur d'autres planètes, il y a des planètes autour d'autres étoiles. Bon, il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge. Ça ne savait pas plus. Oui, bah, c'est le bouchon un peu loin quand on même. On l'a brûlé. mais on l'avait jamais défini. Ces vagabonds, bon, et, je dis, les Français en ont trouvé une, les Anglais en ont trouvé une autre, les Américains en prétendaient en avoir une. Et puis Pluton, au fur et à mesure qu'on observait, était de moins en moins massif. En 1930, on nous annonce que Pluton, c'est cinq fois plus gros que la Terre. En 1950, c'était à peine plus gros que la Terre. En 1970, quand on trouve un satellite autour de Pluton, c'est plus petit que la Lune. Et c'est très rigolo, si vous calculez la masse de Pluton en fonction de la date, vous constatez qu'en 2006, la masse de Pluton est nulle. C'est la date à laquelle on a déclassé Pluton, justement. Ah ben voilà. C'était bien les émissions avec lui. Arriver à nous parler de la Sainte Vierge alors qu'il évoque Pluton et les planètes, c'est quand même génial, non? Quand on l'invitait, on était sûr de faire une bonne émission. Ah oui, vraiment. Ouais. Et les techniciens se poilaient derrière la vitre et tout le monde était sous la table. André Braik n'était pas simplement compétent dans son domaine, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et il se servait de ça justement pour vulgariser, c'est raconter des histoires. Et il prend des choses dans ce que nous connaissons tous un peu et il les ramène à l'astronomie. Il était formidable. En plus, bon, évidemment, il nous donnait toujours rendez-vous à la gare Montparnasse à 2h du matin. Oui, parce qu'il vivait la nuit. Il vivait pour observer les planètes. Vraiment. Il n'y avait pas d'horloge pour lui. Quand il venait à 14h, il se réveillait. Exactement. Un jour, je me souviens, il m'a invité à venir voir des photos de Vénus. C'était sous un réverbère, il était en caleçon. il m'expliquait Vénus, tu vois. André Braik en caleçon. Est-ce qu'il y a d'autres messages, Axel ou Daniel? Oui. Vous en avez des auditeurs? Moi j'ai un message court de Sandra qui nous dit « Vous avez été mon horloge... » Ah, c'est la tête est carrée, c'est 14h. Voilà. « Mon logiciel de mise à jour scientifique, ma dose quotidienne de rigueur, de logique et d'humanité, de convivialité. » Elle précise « Attention, je suis une auditrice caricaturale d'Inter, car enseignante. » Et je veux vous dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois par an de bouleverser le programme de mon cours pour aborder un thème dans vos émissions, même si c'était pas au programme. Merci beaucoup, nous dit-elle. Eh ben, on l'embrasse, Carole. En tout cas, Daniel, t'as un message aussi. Steve qui vous dit: votre émission est née en 2006. Cette année-là, je commençais un nouveau travail dans un petit cabinet d'architecte perdu en pleine campagne. Très souvent seul, vos émissions ont bercé mes après-midi, parfois moroses. Tout au long de ces années, vous avez aiguisé ma curiosité sur beaucoup de domaines scientifiques avec ce ton si singulier. Merci Mathieu pour ces beaux moments radiophoniques et bienvenue à la Terre au Carré. Ah, mais ça c'est sympa. Antonio Fischetti, on n'a pas entendu Antonio encore, mais qu'est-ce qu'il est sage aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, sagement. Il y a d'autres messages, Antonio? Oui, alors moi, quand tu as distribué tous les mails, je suis arrivé en dernier dans le tour de table, en fait, et donc je récolte celui. Mais c'est le plus drôle quand même. Ah. Alors, bonjour, c'est de la part de Chab Ponch. Alors, donc, 13 ans à produire une émission pour laquelle on n'a aucune qualification, où les lieux communs alternent avec les questions binaires. Cela méritait bien une récompense. Une nouvelle émission sur l'environnement. Compétences universitaires dans ce domaine, les mêmes que les gars qui traînent au bistrot du coin. Alors, donc, de la part de quelqu'un, il parle de vous, qui recevait récemment Isabelle Autissier avec des bouteilles en plastique sur la table, on ne peut qu'en rire ou en pleurer. Alors, donc moi, ça me plaît bien ce genre de message, parce que je me rends compte que je ne suis pas le seul, en fait, à Charlie Hebdo, à recevoir des messages, des mails comme ça. Donc ça me soulage vraiment. Il faut. Et je me demande si vous avez jamais fait d'émission sur ce phénomène, en fait, qui fait que certaines personnes n'écoutent jamais ou lisent ou écoutent de travers ce qu'ils pourraient tout simplement entendre. Et puis, on entend ce qu'on a envie d'entendre, non, probablement. C'est un phénomène quand même scientifique, ça, qui m'échappe. Hein. On trouvera l'occasion d'en parler certainement au sujet de l'environnement à la rentrée, puisqu'il y a aussi des ressorts psychologiques qui sont absolument passionnants à étudier. Sébastien Boller qui hoche de la tête. C'est vrai, on a parlé de dissonance cognitive avec vous, par exemple, souvent, dans l'émission autour du cerveau, par exemple. Oui, c'est vrai, notre cerveau, il essaye d'être un petit peu raisonnable, mais en fait, on adapte beaucoup ce qu'on pense à ce qu'on voit, à nos intérêts personnels, à nos désirs. Donc oui, sur la thématique environnementale, il y a énormément de bugs, de malfaçons dans notre cerveau, il faudra qu'on en parle. Ouais. Et des évitements, parce qu'on a cette capacité. Le déni, écoutez, regardez aujourd'hui ce qui se passe, il va faire 45 à Nîmes, on est encore en train de se dire, il faut qu'on trouve des mesures d'urgence, mais on n'investit pas sur le futur. Absolument. Alors, Antonio Fischetti, vous avez été aussi pendant un temps un reporter pour l'émission. Oui, et chroniqueur aussi. Je parlais des sons, justement, des sons de la science, en fait. Hein. Et alors justement, on va écouter Bonjour les Morses. Oui. Alors ça, vous étiez en voyage en Arctique, c'est ça? C'est ça, exactement, en Arctique. Et quand vous avez proposé de choisir un fait scientifique, moi, c'est pas vraiment un fait scientifique, c'est l'ouverture du passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire en 2013, pour la première fois, un gros cargo a pu passer à travers ce passage qui est en Arctique et qui relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Jusqu'à présent, seulement des brise-glaces ou des petits bateaux pouvaient y passer. Et moi, quelques années plus tôt, donc précisément en 2009, j'étais là-bas et on est resté bloqué sur les glaces. Mmh. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça a du sens scientifiquement puisque c'est un symbole de la fonte des glaces et de la destruction de la planète. Et puis, ça permet de faire une transition entre la tête au carré et la Terre au carré. Et c'est un fait scientifique, cette ouverture du passage du Nord-Ouest qui m'a touché dans ma chair puisque j'ai tout simplement failli mourir là-bas, en fait. Oui, on va entendre ce qui s'est passé. Alors, le scientifique qui est avec vous, parce que l'homme que nous allons entendre est scientifique, et dans un état tout Thierry, à fait particulier. Thierry Aubin, spécialiste donc de la bioacoustique et de la communication sonore chez les Morses. Voilà, on l'écoute. Donc ça, c'était en 2009 dans l'émission. Parler dans cette radio aléatoire revient à lancer une bouteille à la mer. Pour l'instant, personne ne répond. Nous n'entendons parler qu'en Inuktitut, la langue des Inuits que malheureusement le seul à comprendre est Sam. Nous nous préparons à de longues journées d'attente. Je m'en souviens pas, mais on a tout quoi nous tenir deux jours, trois jours avec des dangers. Voilà. Ouais. L'ours, je pense que c'est vraiment, faut pas le négliger, quoi, parce que. Et ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est que on verrait pas arriver là-dedans. Oui. Aïe. Alors, effectivement, donc là, on est resté. En fait, l'idée, c'était d'aller étudier les morses. Et puis, le temps change très rapidement là-bas. En 10 minutes, une eau libre peut être remplie de glace. C'est ce qui s'est produit. Et donc, effectivement, c'était dangereux. On a pu être évacué au bout de 3 jours, quand même, par hélicoptère. Donc, en abandonnant totalement la mission. Mais ce passage du Nord-Ouest m'a quand même rendu triste. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bien que quelque part dans le monde, il y a encore des endroits comme ça où il y a encore de l'aventure, où ça soit encore difficile d'aller. Et depuis, j'ai rencontré d'ailleurs dont Jean Mallory, qui a 97 ans, est encore en pleine forme, et qui à qui il est arrivé la même mésaventure que moi, mais lui, 50 ans plus tôt. Et aujourd'hui, que ces endroits-là deviennent de plus en plus, risquent de devenir de plus en plus ouverts, la navigation de gros cargos, enfin c'est quand même effectivement dramatique. Et puis ce qu'ils étudient, les chercheurs là, c'est la communication sonore chez les morses. Ça peut paraître inutile, absurde, mais en fait il va y avoir des forages pétroliers, les forages pétroliers vont faire du bruit, beaucoup de bruit, et donc les animaux ne vont plus pouvoir s'entendre, donc ils ne vont plus pouvoir se reproduire, et ça va être encore une fois une destruction de la biodiversité en plus. Et nous avons beaucoup parlé des bêtes avec vous, et ce film est toujours à voir d'ailleurs, hein, sur le site du CNRS Image. Voilà, ça s'appelle Bonjour les morses. Oui. Le titre est absolument génial. Alors dans un instant, on aura en ligne avec nous un scientifique. Ce sera une petite surprise dans un instant. Un autre message, c'est Philippe qui nous écrit. Il nous dit merci à vous de m'avoir permis de me sentir moins con, même si ça n'était que le temps de votre émission. Après, le naturel revenait. Et finalement, on a tous pensé la même chose que lui. Oh bah, merci il est à Philippe. Sympa, allez, allez dans un instant, notre invité surprise. Summertime and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Voilà, c'était Lana Del Rey à l'instant. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, tous les amis de l'émission sont réunis autour de cette table pour non seulement vous dire au revoir, vous remercier, mais également pour lire vos messages, parce qu'ils sont très très nombreux et ça nous touche. Sophie, qui a reçu un petit mail sur la boîte de Brigitte la tête au carré. Brigitte Monchicourt, et nous venons de découvrir que c'est la sœur de Mario Dille. Et je lis, Mario Dille, tu as toujours été formidable, Mathieu ne t'est jamais arrivé à la cheville. Non, je blague. Pour une fois que de la vraie science, avec de vrais scientifiques, avaient droit de citer sur le service public, mais non, fini. Plus de blo-blo, non, c'est pas plus vrai, de biolo, c'est pas... plus d'astro, plus de médecine, de psycho, de biochim, de géophysique. C'est elle qui a dit ça ? C'est elle. À la place, on aura droit à l'environnement, très tendance, mais la morale et la propagande ne remplaceront jamais les connaissances. Ah là là. Attention, oh là là, on va nous attendre au revoir, quoi, l'attaque, et merci pour les années passées. Mais elle s'intéresse à la science, votre frangine, Marie-Gilles ? Non, je le découvre, voilà, franchement. N'importe quoi. Alors, il y a Fabienne qui c'est nous bizarre. Dit un grand merci à l'émission que j'ai suivie pendant des années. Habitant en Angleterre depuis 23 ans, cette émission a été un de mes cordons ombilicaux qui me relie à la France. Vous l'avez tous me manqué, mais je compte sur la plasticité de mon cerveau pour continuer sans l'émission. Alors, nous avons en ligne quelqu'un qui était très important pour nous aussi, qu'on a souhaité avoir aujourd'hui. C'est notre pop star de la science, Hubert Reeves. Bonjour Hubert. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, chaudement, mais c'est agréable, tout se passe bien, merci. Bon. Vous êtes à Malicorne ? À Malicorne, exactement. Bien. Oui. Hubert, nous souhaitions dire au revoir aux auditeurs avec vous, avec votre voix, non seulement parce que vous avez été probablement, et vous êtes toujours probablement le scientifique le plus aimé des Français, mais aussi parce que vous incarnez ce glissement finalement entre la tête au carré et la Terre au carré, c'est-à-dire de l'astrophysicien jusqu'au président de l'association Humanité et Biodiversité. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais on est attendu au tournant à la rentrée avec cette émission. On nous dit qu'on surfe sur la tendance, etc. Bon, il y a aussi des gens qui sont très contents, évidemment, mais quel conseil, finalement, vous pourriez nous donner dans le traitement de ce thème de la biodiversité, de l'environnement au sens large ? Je vous écoute attentivement. Bon, alors il faut dire qu'au départ, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, les gens prennent conscience du fait que la situation est critique. Ça, je pense que c'est plus important que toutes les informations qu'on peut donner, c'est de faire savoir que ça n'est plus de la blague, qu'aujourd'hui, je crois que le mot ou la phrase qu'il faut dire, c'est « il faut tout faire pour que la Terre reste habitable ». Ça en est à ce point-là. Nous savons maintenant et nous voyons que la Terre pourrait devenir inhabitable. Et ça, ce serait vraiment un grand drame, étant donné ce qu'on sait de tout ce qu'il y a sur la Terre, l'art, la science et tout cela, je pense que ce serait une énorme perte à l'échelle cosmique. Donc ça, je pense que c'est ça pour moi le plus important. C'est qu'il y a encore trop de gens, trop de personnes qui disent « oui, c'est vrai, oui, on verra bien ». On a dépassé cette période. Il faut vraiment prendre le problème en force et tout faire pour que les gestes soient faits pour faire ce qu'il faut pour que la Terre reste habitable. J'en ferai un motto, un slogan de cela. Aujourd'hui, c'est ça qui est la chose la plus importante, parce que ça pourrait bien ne pas être le cas. Mais vous savez bien, Hubert, que les discours catastrophistes, on les rejette d'emblée. C'est très compliqué d'avoir un ton comme ça. Et on va pas l'avoir, évidemment, parce que sinon ça va être terrible. Mais comment parler de ces questions, justement? Parce que le bilan, finalement, tel qu'il est aujourd'hui dans la nature, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais c'est évidemment toute la difficulté, c'est de pouvoir en parler et le partager, non? Je ne sais pas si c'est catastrophiste de dire qu'il faut que la Terre reste habitable. C'est au contraire dire qu'il faut faire quelque chose parce que c'est important pour nous et pour nos enfants que la vie continue sur la Terre. Ce qui est catastrophique, ce serait de dire cela va arriver. On ne sait pas. L'avenir est inconnu et il faut tout faire pour que l'avenir reste positif. Et c'est en ce sens que c'est plutôt de dire qu'il faut tout faire pour que la Terre reste habitable, ça implique qu'on pense que c'est possible. C'est pas l'idée de dire c'est foutu, c'est de dire il faut être actif. Et on n'est pas assez actif. On l'a vu justement par le fait que Nicolas Hulot a démissionné, et je pense qu'il a eu raison. Il nous a envoyé un message en cela, en nous disant le problème n'est plus aujourd'hui simplement au niveau des gouvernements, puisqu'il a essayé, lui, de sa part, de mobiliser le gouvernement, et se rendant compte qu'il n'y arrivait pas, il s'est dit, ça, maintenant, il faut aller plus loin que simplement des discussions entre politiciens, etc. C'est faut que ce soit crucial et fondamental. Nous avons, avec un groupe québécois, fait un film qui s'appelle « La Terre vue du cœur ». C'est-à-dire, c'est un film dans lequel on se contente pas de dire des choses scientifiques. On se dit, s'il n'y a pas un éveil de l'affectif, si la Terre, les problèmes de la Terre ne sont pas pris du côté cœur, s'il se contente d'être pris du côté intelligence, science, etc. La science, l'intelligence, la connaissance ne mobilise pas à fond, assez profondément. Il faut que ça touche au cœur. Eh bien, écoutez, on va essayer en tout cas de faire en sorte que ça se passe au moins comme ça à partir de la rentrée. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous accueillir dans l'émission. Hubert, profitez bien de Malicorne où vous êtes et on se retrouve à la rentrée dans la Terre au Carré. Merci beaucoup à vous. Vous avez un petit bisou de Marie-Odile Monchicourt. Oh oui, Hubert, voilà. Je t'embrasse. C'est un bisou de ma part aussi. Merci beaucoup Hubert Reeves. À très bientôt. À bientôt. Allez, encore 7 minutes de Tête au Carré. Il y a encore des messages, j'imagine, qui sont arrivés sur le site, il y a un message d'auditeur qui nous dit « Mon épouse Hélène avait podcasté toutes les émissions disponibles pour l'accompagner pendant les longs quarts de notre navigation transatlantique du Cap au Brésil. En passant par Sainte-Hélène, ça lui a permis de faire la maline pendant toute la traversée et au-delà, en m'abreuvant en informations toujours inattendues. » Voilà. C'est à Caroline Tourbe de nous dire un petit mot aussi. Oui, ça va, Caroline? Très bien, très bien, très bien. C'est vrai, Mathieu, que ça fait un moment aussi que j'ai eu l'occasion c'est vrai, de parler avec vous. Avec Science et Vie, en c'était le tourbillon de la vie, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé, on s'est perdu, on s'est retrouvé, et toujours, au final. Voilà, on se retrouve, et pour la dernière, je suis là. Et vous parlez de quoi alors? Je vais vous parler très rapidement juste des intraterrestres. Alors, vous en avez parlé cette année, mais en fait, c'est quelque chose qui vient de loin, et je trouve que ça a vraiment à voir avec la marche de la science. Philippe Hénarejos ne connaît pas les intraterrestres. Non, voilà, je ne connais pas, mais je vais le lui apprendre, attention. C'est donc tous ces petits organismes qui vivent dans les roches, dans les profondeurs de la Terre, dont on découvre l'importance non seulement pour l'origine de la vie sur Terre, ils pourraient avoir un rôle déterminant, mais aussi pour les grands cycles de la Terre, c'est-à-dire qu'ils auraient des échanges avec les océans, l'atmosphère, autrement dit tout ce qu'on pense avoir compris sur comment la Terre fonctionne, eh bien on avait peut-être oublié quelqu'un sur la photo, les intraterrestres, et puis même pourquoi pas parler des explorations spatiales, ces petits organismes qui vivent dans des conditions absolument épouvantables, en fait, pourraient nous permettre de savoir à quoi la vie peut ressembler très très très très loin de notre planète. Donc on en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On en a parlé il n'y a pas longtemps et ça Axel, a commencé. C'était à la une de la science. Voilà. C'est vrai, c'était... Non mais c'était l'année dernière. Non, il n'y a c'était pas longtemps. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'émission, c'était hier. Exactement. Sébastien Boller, d'autres petits organismes vous ont intéressé aussi? Oui, les intra-humains. Oui. Hein, ceux qui vivent à l'intérieur de nous. Ah oui, ça, ils sont terrifiants ceux-là. Ils sont même plus nombreux que les cellules de notre corps. Vous savez, toutes les bactéries dans notre système digestif. Voilà, c'était la découverte du microbiote et tous les impacts que ça a sur notre vie émotionnelle, cognitive. Ouais. C'est incroyable, en quelques siècles. Vous vous rendez compte, Descartes, il disait... Cogito, ergo sum, c'était la pensée pure. Oh, arrêtez de vous la jouer, franchement. Oh là là. On a commencé à se dire, finalement, c'est notre cerveau. Et puis à la fin, on s'est dit, bah non, c'est notre estomac. Ouais. Et les intra-humains, c'est ça, quoi. C'est 2 kilos de bactéries, vous savez, voilà. Mmh. C'est milliers de milliards de bactéries qui vont, comme ça, stimuler des nerfs dans notre système digestif, ce deuxième cerveau qu'on l'a appelé, qui fait quand même presque la taille du cerveau d'une souris. On a beaucoup parlé ici et, c'est quelque chose qui a énormément changé, quoi. Le paysage psychologique humain, ça a des impacts sur la dépression, sur l'anxiété, même sur l'autisme, hein, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on parle même de psychobiotiques, voilà. Non pas les probiotiques, mais c'est des petites choses qu'on peut manger et qui peuvent améliorer notre humeur. Domaine de recherche en plein développement. J'aperçois Dylan Biner, qui a été un de nos stagiaires également. Ça va, Dylan? Tu peux prendre le micro. J'aimerais juste qu'on entende ta voix. Et je te propose même de faire ta première interview de Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati. Voilà. Eh ben, ça va bien, je te remercie. Voilà, tu peux interviewer nos deux plus grandes fidèles probablement de l'émission. Mais très bien, mais je suis bien, historique je suis bien également. Placé parce que j'ai fait leur travail pendant un an, je te c'est remercie. Vrai. Tu les as remplacés. Ouais. Je les ai remplacés et je vous remercie parce que vous m'avez fait vraiment confiance sur toute cette année après mon stage. Comment ça va? Ça, c'est l'interview. beaucoup d'émotions quand même, parce qu'on a, passé 13 ans d'une belle aventure scientifique, mais surtout humaine. Moi, j'ai passé avec Lucie, toi, Mathieu, et toutes les personnes qui ont participé à cette émission, des moments intenses de connaissances, de rire et tout, et... on va continuer avec cette nouvelle émission, tout simplement. Et on est sûr que ça va être très, très bien. Lucie, un petit mot également. Lucie qui a travaillé beaucoup aussi sur les conférences sur le cerveau cette année. Mais elle était là aussi depuis très longtemps. Hein. Bah oui, oui. D'ailleurs, j'ai toujours cru que tu étais scientifique. Hein. Oui, c'est ça. C'était avec mes petites running gag. De philo, c'était le soi-disant caution scientifique. Donc, c'est dire. C'est ça. Et non, mais c'était génial parce que nous, comme les auditeurs, on est les premières dans les coulisses à profiter des chercheurs, de ces connaissances, d'apprendre tous les jours. Et voilà, la seule difficulté, c'est de ne pas saouler tes potes. fait dans les soirées, parce que voilà. Quel que soit le sujet de conversation, t'as toujours un truc, t'as toujours fait une émission sur le sujet. C'est vrai. Et donc, voilà, mais... Allez, on va terminer avec la voix de Daniel Fievé. Daniel, désolé, on n'aura pas le temps de parler de ton sujet, mais de toute façon, les auditeurs vont profiter de toi tout l'été c'est avec le temps d'un bivouac. Les vénards. Voilà. Ce sera à quelle heure d'ailleurs? Ce sera de 16h à 18h. On reprend la route, on repart à l'aventure avec des scientifiques sur la première heure. Voilà. Et jours. Puis, je signale également aux auditeurs qu'à partir de la semaine prochaine, à 14h, ce sera Ali Rébéi avec Grand Bien Vous Fasse, hein, une sélection des meilleurs moments de l'émission. Donc, toi, tu vas nous embarquer à nouveau en voyage pendant tout l'été. Dès le premier jour, on ira sur les volcans, par exemple, et puis on ira ensuite en Antarctique dans la deuxième heure. Très bien. Donc, on attend ça avec impatience. Et merci beaucoup, Daniel, aussi à toi d'être venu. Merci beaucoup, Axel. Merci, Mathieu. Je voudrais rajouter un grand merci à tous les scientifiques qu'on a reçus, parce que sans eux, il n'y a pas d'émission. Et on les applaudit, tiens, d'ailleurs. C'est eux qui nous ont rendus heureux. Voilà, c'est fini pour La Tête au Carré. Merci beaucoup, amis auditeurs. Merci donc effectivement à tous les chercheurs qui nous ont régalés. Merci à toute l'équipe de l'émission, les réalisateurs, réalisatrices, les attachés de production. La Tête au Carré, donc, c'est terminé. Et on se retrouve en pleine forme le 26 septembre à 13h30. Notez-le bien pour La Terre au Carré. Passez un très bel été sur France Inter. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ce sera le 26 août à 13h30 sur France Inter. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Ciao. Bye bye.